Les 39 marches, écrit par John Bacon, traduit de l'anglais par Théo Varlet, lu par Armen pour audiocité.net. Premier chapitre. L'homme qui mourut. Cet après-midi de mai, je revins de la City vers les 3 heures, complètement dégoûté de vivre. 3 mois passés dans la mère patrie avaient suffi à m'en rassasier. Si quelqu'un m'eût prédit un an plus tôt que j'en arriverais là, je lui aurais ri au nez. Pourtant, c'était un fait. Le climat me rendait mélancolique. La conversation de la généralité des Anglais me donnait la nausée. Je ne prenais pas assez d'exercice et les plaisirs de Londres me paraissaient fades comme de l'eau de seltz qui est restée au soleil. Richard Hannay, mon ami, me répétais-je, tu t'es trompé de filon, il s'agirait de sortir de là. Je me mordais les lèvres au souvenir des projets que j'avais échafaudés pendant ces dernières années à Bulawayo. En y amassant mon pécule, il y en a de plus gros, mais je le trouvais suffisant, je m'y étais promis des plaisirs de toutes sortes. Emmené loin de l'Écosse par mon père dès l'âge de 6 ans, je n'étais pas revenu au pays depuis lors. L'Angleterre m'apparaissait donc comme dans un rêve des 1001 nuits, et je comptais m'y établir pour le restant de mes jours. Mais je fus vite désillusionné. Au bout d'une semaine, j'étais là de voir les curiosités de la ville, et en moins d'un mois, j'en avais assez des restaurants, des théâtres et des courses de chevaux. Mon ennui provenait sans doute de ce que je n'avais pas un vrai copain pour m'y accompagner. Beaucoup de gens m'invitaient chez eux, mais ils ne s'intéressaient guère à moi. Ils me lançaient 2 ou 3 questions sur l'Afrique du Sud, et puis revenaient à leurs affaires personnelles. Des grandes dames impérialistes me conviaient à des thés où je rencontrais des instituteurs de la Nouvelle-Zélande et des directeurs de journaux de Vancouver et où je m'assommais au-delà de tout. Ainsi donc, à 37 ans, sain et robuste, muni d'assez d'argent pour me payer du bon temps, je bâillais tout le long du jour à me décrocher la mâchoire. Un peu plus, et je décidais de prendre le large et de retourner dans le Veld, car j'étais l'homme le plus parfaitement ennuyé du Royaume-Uni. Le Veld est le bled sud-africain. Cet après-midi-là, je venais de tarabuster mon agent de change au sujet de placement à seule fin de m'occuper l'esprit, et avant de retourner chez moi, j'entrais à mon club, un estaminet pour mieux dire, qui admettait des coloniaux comme membres. Je pris un apéritif à l'eau en lisant les feuilles du soir. Elle ne parlait que du conflit dans le Proche-Orient, et il y avait entre autres un article sur Karolides, le premier ministre de Grèce. Il me plaisait, ce gars-là. C'était, sous tout rapport, le seul homme en vue considérable, et de plus, il jouait un jeu loyal, ce qu'on eût pu dire de beaucoup d'autres. J'appris qu'on le haïssait comme une vraie bête noire à Berlin et à Vienne, mais que nous allions le soutenir. Et un journal même voyait en lui la dernière barrière entre l'Europe et la catastrophe. Je me demandais à ce propos s'il n'y aurait pas un emploi pour moi de ce côté. L'Albanie me séduisait comme étant le seul pays où l'on fût à l'abri du bâillement. Vers 6 heures, je rentrais chez moi, m'habillais, dînais au Café Royal et entrais dans un music-hall. Le spectacle était inepte, rien que femmes cabriolantes et hommes à grimaces de singes. Aussi je ne restais guère. La nuit étant douce et limpide, je regagnais à pied l'appartement que j'avais loué près de Portland Place. Autour de moi, la foule s'écoulait sur les trottoirs, active et bavarde, et j'enviais les gens pour leurs occupations. Ces trottins, ses employés, ses élégants, ses policemen avaient au moins dans la vie un intérêt qui les faisait mouvoir. Je donnai une demi-couronne à un mendiant que je vis bâiller. C'était un frère de misère. À Oxford Circus, je pris à témoin le ciel de printemps et fis un vœu. J'accordais un dernier jour à ma vieille patrie pour me procurer quelque chose à ma convenance. Si rien n'arrivait, je retournais au Cap par le prochain bateau. Mon appartement formait le premier étage d'un nouvel immeuble situé derrière Langham Place. Il y avait un escalier commun avec un portier et un garçon d'ascenseur à l'entrée, mais il n'y avait ni restaurant ni rien de ce genre, et chaque appartement était tout à fait indépendant des autres. Comme je déteste les domestiques à demeure, j'avais pris à mon service un garçon qui venait chaque jour. Il arrivait le lundi matin avant 8 heures et partait d'habitude à 7, car je ne dînais jamais chez moi. Je venais d'introduire ma clé dans la serrure quand un homme surgit à mes côtés. Je ne l'avais pas vu s'approcher et son apparition soudaine me fit tressaillir. C'était un individu fluet, à la courte barbe brune et aux petits yeux bleus et vrilleurs. Je le reconnus pour le locataire du dernier étage, avec qui j'avais déjà échangé quelques mots dans l'escalier. « Puis-je vous parler ? » dit-il. « Me permettez-vous d'entrer une minute ?» Il contenait sa voix avec effort, et sa main me tapotait le bras. J'ouvris ma porte et le fis entrer. Il n'eut pas plutôt franchi le seuil qu'il prit son élan vers la pièce du fond où j'allais d'habitude fumer et écrire ma correspondance. Puis il s'en revint comme un trait. « La porte est-elle bien fermée ? » demanda-t-il fiévreusement. Et il assujettit la chaîne de sa propre main. « Je suis absolument confus, » dit-il d'un ton modeste. « Je prends là une liberté excessive, mais vous me semblez devoir comprendre. Je n'ai cessé de vous avoir en vue depuis 8 jours que les choses se sont gâtées. Dites, voulez-vous me rendre un service ?»« Je veux bien vous écouter, » fis-je. « C'est tout ce que je puis promettre. » Ce petit bonhomme nerveux m'agaçait de plus en plus avec ses grimaces. Il avisa sur la table, à côté de lui, un plateau à liqueur et se versa un whisky-soda puissant. Il l'avala en 3 goulets et brisa le verre en le reposant. « Excusez-moi, » dit-il, « je suis un peu agité ce soir. Il m'arrive, voyez-vous, qu'à l'heure actuelle, je suis mort. » Je m'installai dans un fauteuil et allumai une pipe. « Quel effet ça fait-il ? » demandai-je. J'étais bien convaincu d'avoir affaire à un fou. Un sourire fugitif illumina son visage contracté. « Non, je ne suis pas fou, du moins pas encore. Tenez, monsieur, je vous ai observé, et je crois que vous êtes un type de sang-froid. Je crois aussi que vous êtes un honnête homme, et que vous n'auriez pas peur de jouer une partie dangereuse. Je vais me confier à vous. » « J'ai besoin d'assistance plus que personne au monde, et je veux savoir si je puis compter sur vous. »« Allez-y de votre histoire, » répondis-je, « et je vous dirai ça. » Il parut se recueillir pour un grand effort, et puis entama un récit des plus abracadabrants. Au début, je n'y comprenais rien, et je dus l'arrêter et lui poser des questions. Mais voici la chose en substance. Il était né en Amérique, au Kentucky. Ses études terminées, comme il avait passablement de fortune, il se mit en route afin de voir le monde. Il écrivit quelque peu, joua le rôle de correspondant de guerre pour un journal de Chicago et passa 1 ou 2 ans dans le sud-est de l'Europe. Je m'aperçus qu'il était bon polyglotte et qu'il avait beaucoup fréquenté la haute société de ces régions. Il citait familièrement bien des noms que je me rappelais avoir vus dans les journaux. « Il s'était mêlé à la politique, me raconta-t-il, d'abord parce qu'elle l'intéressait, et ensuite par entraînement inévitable. Je devinais en lui un garçon vif et d'esprit inquiet, désireux d'aller toujours au fond des choses. Il alla un peu plus loin qu'il ne l'eût voulu. Je donne ici ce qu'il me raconta, aussi bien que je pus le débrouiller. Au-delà et derrière les gouvernements et les armées, il existait, d'après lui, un puissant mouvement occulte, organisé par un monde des plus redoutables. Ce qu'il en avait découvert par hasard le passionna. Il alla plus avant et finit par se laisser prendre. À son dire, l'association comportait une bonne part de ces anarchistes instruits qui font les révolutions. Mais à côté de cela, il y avait des financiers qui ne visaient qu'à l'argent. Un homme habile peut réaliser de gros bénéfices sur un marché en baisse. Et les deux catégories s'entendaient pour mettre la discorde en Europe. Il me révéla plusieurs faits bizarres, donnant l'explication d'un tas de choses qui m'avaient intrigué, des faits qui se produisirent au cours de la guerre des Balkans, comment un État prit tout à coup le dessus, pourquoi des alliances furent nouées et rompues, pourquoi certains hommes disparurent, et d'où venait le nerf de la guerre. Le but final de la machination était de mettre aux prises la Russie et l'Allemagne. Je lui en demandai la raison. Il me répondit que les anarchistes croyaient triompher grâce à la guerre. Du chaos général qui en résulterait, ils s'attendaient à voir sortir un monde nouveau. Les capitalistes, eux, rafleraient la galette et feraient fortune en rachetant les épaves. Le capital, à son dire, manquait de conscience aussi bien que de patrie. Derrière le capital, d'ailleurs, il y avait la juiverie, et la juiverie détestait la Russie pis que le diable. « Quoi d'étonnant ! » s'écria-t-il. « Voilà 300 ans qu'on les persécute. Ceci n'est que la revanche des pogroms. Les juifs sont partout, mais il faut descendre jusqu'au bas de l'escalier de service pour les découvrir. » Prenez par exemple une grosse maison d'affaires germanique. Si vous avez à traiter avec elle, le premier personnage que vous rencontrez est le prince von Unzu quelque chose. Un élégant jeune homme qui parle l'anglais le plus universitaire, sans morgue toutefois. Si votre affaire est d'importance, vous allez trouver derrière lui un Westphalien prognate au front fuyant et distingué comme un goret. C'est là l'homme d'affaires allemand qui inspire une telle frousse à vos journaux anglais. Mais s'il s'agit d'un trafic tout à fait sérieux qui vous oblige à voir le vrai patron, il y a 10 contre 1 à parier que vous serez mis en présence d'un petit juif blême au regard de serpent à sonnette et affalé dans un fauteuil d'osier. Oui, monsieur, voilà l'homme qui dirige le monde à l'heure actuelle, et cet homme rêve de poignarder l'empire du tsar parce que sa tante a été violentée et son père knouté dans une masure des bords de la Volga. Je ne pus m'empêcher de lui dire que ces juifs anarchistes me paraissaient avoir gagné bien peu de terrain. « Oui et non, répondit-il, ils ont progressé jusqu'à un certain point, mais ils se sont heurtés à plus fort que la finance, à ce qu'on ne peut acheter, aux vieux instincts combatifs essentiels à l'humanité. » Quand vous allez vous faire tuer, vous dénichez un drapeau et un pays quelconque à défendre, et si vous en réchappez, vous les aimez pour tout de bon. Ces sots bougres de soldats ont pris la chose à cœur, ce qui a bouleversé le joli plan élaboré à Berlin et à Vienne. Toutefois, mes bons amis sont loin d'avoir joué leur dernière carte. Ils ont gardé l'as dans leur manche. Et, à moins que je ne parvienne à rester vivant 1 mois encore, ils vont le jouer et gagner. Mais je croyais que vous étiez mort, interrompis-je. Mors janua vitae, sourit-il. La porte de la vie est la mort. Je reconnus la citation. C'était à peu près tout ce que je savais de latin. J'y arrive, mais je dois vous instruire d'un tas de choses auparavant. Si vous lisez les journaux, Vous connaissez sans doute le nom de Constantin Karolides. » Je dressai l'oreille à ces mots, car je venais de lire des articles sur lui cet après-midi même. « C'est l'homme qui a fait échouer toute leur combinaison. C'est le seul grand cerveau de toute la bande politique, et il se trouve de plus que c'est un honnête homme. En conséquence, voilà 12 mois qu'on a résolu sa mort. J'ai fait cette découverte sans peine, car elle était à la portée du dernier imbécile. Mais j'ai découvert en outre le moyen qu'il se propose d'employer, et cette connaissance était périlleuse. Voilà pourquoi j'ai dû trépasser. » Il prit un nouveau whisky, et je m'en fis un également, car l'animal commençait à m'intéresser. Ils ne peuvent l'atteindre dans son pays même, car il a une garde rapprochée, composée d'épirotes qui tueraient père et mère pour lui. Mais le 15 juin, il va venir dans cette ville. Le Foreign Office britannique s'est avisé de donner des thés internationaux, dont le plus marquant est fixé à cette date. Or, on compte sur Karolides comme principal invité, et si mes amis en font à leur guise, il ne reverra jamais ses enthousiastes concitoyens. « Mais c'est bien simple, dis-je. Avertissez-le de rester chez lui. » « Et je jouerai leur jeu ? » répliqua-t-il vivement. « S'il ne vient pas, les voilà victorieux, car il est le seul qui puisse démêler leur brouille à minuit. Et si l'on avertit son gouvernement, il ne viendra pas, car il ignore toute l'importance que les enjeux atteindront le 15 juin. « Et pourquoi pas le gouvernement britannique ? » fis-je. « Nos dirigeants ne vont pas laisser massacrer leurs hôtes. » « Faites leur signe, et ils prendront des précautions supplémentaires. »« Mauvais moyen. On peut bourrer la ville de policiers en bourgeois et doubler le service d'ordre. Constantin n'en sera pas moins un homme mort. »« Mes amis ne jouent pas ce jeu pour des prunes. Ils tiennent à supprimer Karolides dans une grande occasion où toute l'Europe est les yeux sur lui. » Il sera assassiné par un Autrichien, et il y aura toutes les preuves voulues pour démontrer la connivence des gros bonnets de Vienne et de Berlin. Le tout d'une fausseté diabolique, bien entendu, mais l'affaire paraîtra noire à souhait pour le public. Je ne parle pas en l'air, mon cher monsieur. Je suis arrivé à connaître dans le dernier détail cette infernale machination. Et je puis vous dire qu'on n'aura pas vu ignominie plus raffinée depuis les Borgia. Mais cela ne se produira pas si un certain individu qui connaît les rouages de l'affaire se trouve encore vivant à Londres à la date du 15 juin. Et cet individu n'est autre que votre serviteur, Franklin P. Scudder. Il commençait à me plaire, ce petit bonhomme. Ses mâchoires claquèrent comme une attrape à souris, et l'ardeur de la lutte brillait dans ses yeux vrilleurs. S'il me débitait un compte, il était certainement bon acteur. « D'où tenez-vous cette histoire ? » lui demandai-je. « J'en eus le premier soupçon dans une auberge de l'Arnsee, dans le Tyrol. Cela me mit en éveil, et je recueillis mes autres documents dans un magasin de fourrures du quartier galicien à Baude, puis au Cercle des étrangers de Vienne, et dans une petite librairie voisine de la Rachnitzstrasse, à Leipzig. Je complétais mes preuves il y a 10 jours à Paris. Je ne puis vous les exposer en détail à présent, car ce serait trop long. Lorsque ma conviction fut faite, je jugeais de mon devoir de disparaître, et je regagnais cette cité par un détour invraisemblable. Je quittais Paris jeune franco-américain à la mode, et je m'embarquais diamantaire juif à Hambourg. En Norvège, je fus un Anglais amateur d'Ibsen, réunissant des matériaux pour ses conférences. Mais au départ de Bergen, j'étais un voyageur en cinéma spécialisé dans les films de ski. Et j'arrivais ici de late avec dans ma poche quantité d'offres de pâte à papier destinées aux journaux de Londres. Jusqu'à hier, je crus avoir suffisamment brouillé ma piste, et j'en étais bien aise. Mais Ce souvenir parut le bouleverser, et il engloutit une nouvelle rasade de whisky. Mais je vis un homme posté dans la rue en face de cet immeuble. Je restais d'ordinaire enfermé chez moi toute la journée, ne sortant qu'une heure ou deux après la tombée de la nuit. Je le surveillais un bout de temps par ma fenêtre, et je crus le reconnaître. Il entra et parla au portier. En revenant de promenade hier soir, je trouvai une carte dans ma boîte aux lettres. Elle portait le nom de l'homme que je souhaite le moins rencontrer sur la terre. Le regard que je surpris dans les yeux de mon interlocuteur, le réel effroi peint sur ses traits, achevèrent de me convaincre. Je haussai la voix d'un ton pour lui demander ce qu'il fit ensuite. Je compris que j'étais emboîté aussi net qu'un hareng mariné et qu'il me restait un seul moyen d'en sortir. Je n'avais plus qu'à décéder. Si mes persécuteurs me croyaient mort, leur vigilance se rendormirait. Et comment avez-vous fait? Je racontai à l'homme qui me sert de valet que je me sentais au plus mal et je m'efforçais de prendre un air d'enterrement. J'y arrivais sans peine, car je ne suis pas mauvais comédien. Puis je me procurai un cadavre. Il y a toujours moyen de se procurer un cadavre à Londres quand on sait où s'adresser. Je le ramenai dans une malle sur un fiacre à galerie, et je fus obligé de me faire soutenir pour remonter jusqu'à mon étage. Il me fallait, voyez-vous, accumuler des témoignages en vue de l'enquête. Je me mis au lit et ordonnai à mon serviteur de me confectionner une boisson soporifique, après quoi je le renvoyai. Il voulait aller chercher un docteur, mais je sacrai un brin, disant que je ne pouvais souffrir les drogues. Le mort était de ma taille, et comme je l'estimais défunt par suite d'excès alcooliques, je disposais ça et là des bouteilles bien en vue. La mâchoire était le point faible de la ressemblance, mais je la lui fis sauter d'un coup de revolver. Il se trouvera, je suppose, demain, quelqu'un pour jurer avoir entendu la détonation, mais il n'y a pas de voisin à mon étage, et je crus pouvoir risquer la chose. Je laissai donc le corps dans mon lit, vêtu de mon pyjama, avec un revolver à l'abandon sur les couvertures et un désordre considérable alentour. Puis je revêtis un complet que je tenais en réserve à toute occurrence. Je n'osais pas me raser, crainte de laisser un indice, et d'ailleurs il était complètement inutile pour moi de songer à gagner la rue. J'avais beaucoup pensé à vous depuis le matin, et je ne voyais rien d'autre à faire que de m'adresser à vous. De ma fenêtre, je guettais votre retour, puis descendis l'escalier à votre rencontre. Et maintenant, monsieur, vous en savez à peu près autant que moi sur cette affaire. » Il s'assit en clignotant comme une chouette, trépidant de nervosité et néanmoins résolu à fond. J'étais à cette heure entièrement persuadé de sa franchise envers moi. Bien que son récit fût de la plus haute invraisemblance, j'avais maintes fois déjà entendu raconter des choses baroques dont j'apprenais plus tard l'authenticité, et je m'étais fait une règle de juger le narrateur plutôt que son histoire. S'il eût prétendu élire domicile dans mon appartement à cette fin de me couper la gorge, il aurait inventé un conte moins dur à avaler. « Passez-moi votre clé, lui dis-je, que j'aille jeter un coup d'œil sur le cadavre. Excusez ma méfiance, mais je tiens à vérifier un peu si possible. » Il secoua la tête d'un air désolé. « Je pensais bien que vous me la demanderiez, mais je ne l'ai pas prise. Elle est restée après ma chaîne sur la table de toilette. Il me fallait l'abandonner. » car je ne pouvais laisser aucun indice propre à exciter des soupçons. Les seigneurs qui m'en veulent sont des citoyens bigrement éveillés. Vous devez me croire de confiance pour cette nuit, et demain vous aurez bien suffisamment la preuve de l'histoire du cadavre. Je réfléchis quelques instants. Soit, je vous fais confiance pour la nuit, Je vais vous enfermer dans cette pièce et emporter la clé. Un dernier mot, monsieur Scudder. Je crois en votre loyauté, mais pour le cas contraire, je dois vous prévenir que je sais manier un pistolet. Bien sûr, fit-il en se dressant avec une certaine vivacité. Je n'ai pas l'avantage de vous connaître de nom, monsieur, mais permettez-moi de vous dire que vous êtes un homme chic. Je vous serais obligé de me prêter un rasoir. Je l'emmenai dans ma chambre à coucher que je mis à sa disposition. Au bout d'une demi-heure, il en sortit un personnage que j'eus peine à reconnaître. Seuls ses yeux vrilleurs et avides étaient les mêmes. Il avait rasé barbe et moustache, fait une raie de milieu et taillé ses sourcils. De plus, il se tenait comme à la parade et représentait, y inclus le teint basané, le vrai type de l'officier britannique resté longtemps aux Indes. Il tira aussi un monocle qu'il s'incrusta dans l'orbite et toute trace d'américanisme avait disparu de son langage. « Ma parole, monsieur Scudder, » bégayai-je. « Plus, monsieur Scudder, » rectifia-t-il. « Le capitaine Théophilus Digby, du 40e Gourka, actuellement en congé dans ses foyers. Je vous serais obligé, monsieur, de vous en souvenir. » Je lui improvisais un lit dans mon fumoir et gagnais moi-même ma couche, plus joyeux que je ne l'avais été depuis un mois. Il arrive tout de même quelquefois des choses dans cette métropole de malheur. Je fus réveillé le lendemain matin par un tapage du diable que faisait mon valet Paddock en s'acharnant sur la porte du fumoir. Ce Paddock était un garçon que j'avais tiré d'affaire là-bas, dans le Selaouki, et emmené comme domestique lors de mon retour en Angleterre. Il s'exprimait avec l'élégance d'un hippopotame et n'entendait pas grand-chose à son service, mais je pouvais du moins compter sur sa fidélité. « Assez de chahut, Paddock, lui dis-je. Il y a un ami à moi, le capitaine. » Le capitaine, je n'arrivais pas à retrouver son nom, en train de pioncer là-dedans. « Apprête le petit déjeuner pour deux et reviens ensuite me parler. » Je racontai à mon Paddock une belle histoire comme quoi mon ami, une grosse légume, avait les nerfs très abîmés par l'excès de travail et qu'il lui fallait un repos et une tranquillité absolue. Personne ne devait le savoir chez moi, ou sinon il se verrait assailli de communications du secrétariat des Indes et du Premier ministre, et adieu sa cure de repos. Je dois dire que Scudder joua son rôle à merveille lors du petit déjeuner. Il fixa Paddock à travers son monocle, tel un vrai officier anglais, l'interrogea sur la guerre des Boers et me sortit un tas de boniments sur des copains de fantaisie. Paddock n'était jamais parvenu à me dire « sœur », mais à Scudder, il en donna comme si sa vie en dépendait. Je laissai mon hôte en compagnie du journal et d'une boîte de cigares et partis pour la cité. Lorsque j'en revins, à l'heure du déjeuner, le garçon d'ascenseur m'accueillit d'un air solennel. « Sale affaire ici ce matin, monsieur. Le gentleman du numéro 15 s'est flanqué une balle dans la tête. On vient de l'emporter à la morgue. La police est là-haut à présent. » Je montai au numéro 15 et trouvai deux agents et un commissaire en train d'examiner les lieux. Je leur posai quelques questions stupides et ils s'empressèrent de m'expulser. J'arrêtai alors le garçon qui avait servi Scudder pour lui tirer les verres du nez, mais je vis tout de suite qu'il ne soupçonnait rien. C'était un type pleurnichard à face de sacristain et une demi-couronne aida fortement à le consoler. J'assistai à l'enquête du lendemain. Le gérant d'une maison d'édition déclara que le défunt était venu lui proposer de la pâte à papier et qu'il le croyait attaché à une entreprise américaine. Le jury conclut un suicide dans un accès de fièvre chaude et les quelques effets du mort furent transmis au consul des États-Unis pour qu'il en disposât. Je racontai l'affaire en détail à Scudder, qui s'amusa beaucoup. Il regrettait de n'avoir pu assister à l'enquête, car il eût trouvé cela aussi savoureux que de lire son propre billet de mort. Durant les deux premiers jours qu'il passa chez moi dans cette pièce de derrière, il se tint fort tranquille. Il lisait, fumait ou griffonnait abondamment sur un calepin, et chaque soir nous faisions une partie d'échecs où il me battait à plate couture. Il tâchait, je crois, d'apaiser ses nerfs qui venaient d'être soumis à une rude épreuve. Mais le troisième jour, je m'aperçus qu'il commençait à redevenir inquiet. Il dressa une liste des jours à courir jusqu'au 15 juin et les pointa au crayon rouge l'un après l'autre, ajoutant en regard des notes sténographiques. Je le trouvais fréquemment absorbé dans une sombre rêverie, les yeux dans le vague, et ses accès méditatifs étaient suivis d'un grand abattement. Je ne tardais pas à voir qu'il était de nouveau sur des épines. Il prêtait l'oreille au moindre bruit et me demandait sans cesse si l'on pouvait se fier à Paddock. Une ou deux fois, il se montra fort hargneux et s'en excusa. Je ne lui en voulus pas. J'étais plein d'indulgence, car il avait entrepris une tâche des plus ardues. Son salut personnel le préoccupait bien moins que la réussite du plan qu'il avait conçu. Ce petit bonhomme était un vrai silex, sans le moindre point faible. Un soir, il prit un air très grave et me dit « Écoutez, Annet, il me semble que je dois vous mettre un peu plus au courant de cette histoire. Je serais navré de disparaître sans laisser quelqu'un d'autre pour soutenir la lutte. » Et il m'exposa en détail ce qu'il ne m'avait appris qu'en gros. Je ne lui accordais pas grande attention. Le fait est que ses aventures m'intéressaient plus que sa haute politique. À mon avis, Carolides et ses affaires ne me regardaient pas, et là-dessus, je m'en remettais complètement à Scudder. Je retins donc peu de choses de ce qu'il me dit. Il fut très net, je m'en souviens, sur ce point. Le danger ne commencerait pour Carolides qu'avec son arrivée à Londres, et ce danger viendrait des plus hautes sphères que n'atteindrait pas une ombre de soupçon. Il mentionna le nom d'une femme, Julia Szechenyi, comme associée à ce danger. Elle devait, paraît-il, servir d'appôt et soustraire Carolides à la surveillance de ses gardes. Il m'entretint aussi d'une pierre noire et d'un homme qui zézayait en parlant, et il me décrivit très minutieusement un personnage qu'il ne pouvait évoquer sans frémir, un vieillard doué d'une voix juvénile et dont les yeux s'encapuchonnaient à sa volonté comme ceux d'un épervier. Il parla aussi beaucoup de la mort. Il s'inquiétait excessivement de mener sa tâche à bonne fin, mais ne redoutait point qu'on lui ôtât la vie. Mourir ? J'imagine que ce doit être comme de s'endormir après une grande fatigue et de s'éveiller par un beau jour d'été où la senteur des foins entre par la fenêtre. J'ai souvent remercié Dieu pour des matins de ce genre, jadis dans le pays de l'herbe bleue. Les États-Unis où abondent l'herbe bleue ou pâturin des prés. Et je pense que je le remercierai en m'éveillant de l'autre côté du Jourdain. » Le lendemain, il fut beaucoup plus gai et lut presque toute la journée la vie de Stonewall Jackson, un des généraux sudistes. Je sortis pour aller dîner avec un ingénieur des mines que je devais voir au sujet d'affaires et rentrai vers 10h30 à temps pour notre partie d'échecs avant de nous mettre au lit. J'avais le cigare aux lèvres, il m'en souvient, lorsque je poussai la porte du fumoir. L'électricité n'était pas allumée, ce qui me parut étrange. Je me demandais si Scudder était déjà couché. Je tournai le commutateur. Il n'y avait personne dans la pièce. Mais j'aperçus dans le coin le plus éloigné un objet dont la vue me fit lâcher mon cigare et m'envahit d'une sueur froide. mon hôte gisait étendu sur le dos. Un long coutelas qui lui traversait le cœur le clouait au plancher.